aimer. Puis elle a trouvé du boulot. Depuis, c'est sûr qu'elle préfère la fille à Marie-Jo. Elle sait tout faire, elle sait chanter. Nous, on chante toujours faux. C'est sûr qu'on sera jamais parfait, pas comme la fille à Marie-Jo. Marie-Jo, Marie-Jo, Marie-Jo. Elle devient de plus en plus intime, pas besoin de la voir en photo. On connaît presque toute sa vie, depuis qu'elle est au berceau. Elle fait partie de la famille, on sera bientôt un de trop. Je crois que je vais devoir partir et aller vivre en clodo. Marie-Jo. Elle n'est pas rentrée à midi, car elle a mangé au resto. Parce qu'en plus de faire de la musique, cette demoiselle fait des expos. C'est peut-être parce que c'est une fille et qu'on est un peu trop macho, qu'elle désire quitter sa famille et prendre celle de Marie-Jo. Marie-Jo, Marie-Jo, Marie-Jo. Avant maman, elle nous aimait, puis elle a trouvé du boulot. Depuis, c'est sûr qu'elle préfère la fille à Marie-Jo. Elle sait tout faire, elle sait chanter. Nous, on chante toujours faux, c'est sûr qu'on sera jamais parfait, pas comme la fille à Marie-Jo.